sur l'avenue, un de ces jours de plein cul, j'avais envie de casser la gueule à n'importe qui. Ce cadre friquet, cette pouffe immonde, et peut-être même un peu tout le monde. Il aurait suffi de m'approcher pour que je t'envoie chier aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Le Virgin, Louis Vuitton, Disney Store ou le Gaumont. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous. Avec nous. Moi je t'ai dit c'est pas le moi, je n'ai pas le choix. Ça sera Big Cheese, oui le McDo. Prends la CBD 1€, puis faudra rentabiliser ma carte du GC. Aux Champs-Élysées. Mercedes-Benz, Sephora et la boutique de Nespresso. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. À la FNAC, il y a les promos, les DVD à 5€. Les vendeurs sont débordés à l'époque des soldes. Pour fêter la réussite du régime de ta bonne femme, il y a l'Indien sympa qui vend des contrefaçons aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Savogave et Zara, BNP, Paribas. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. George Clooney, John Malkovich et une carte Tierra Payette. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. La durée, Monoprix, Quick et une pharmacie.